et les fourmis par terre. Il n'y a pas de mystère. À l'endroit, à l'envers. toi et que moi, on serait pas à la même place. Able to see. pas. Don't forget. You two hands. comme ça tous deux. Travers, tu fais le premier pas pour se tirer la langue. Chacun est à sa place, il n'y a pas de mystère. Ne me regarde pas comme ça, tout de même. We'll be right back. Joyeux. Thank you.